le supramental comme la musique baroque, on peut pas s'intéresser à ça d'un seul coup. Ben moi, j'aimais, c'est ce que j'aimais le plus quand j'étais enfant. C'était la musique que j'aimais le plus, le baroque. Surtout Bach. Puis bon, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'était construit. Parce que c'est quelque chose de construit. Puis c'est architectural. C'est architectural, le baroque. Puis c'est en apparence, c'est quelque chose qui a l'air... mais non, c'est tellement construit. Puis moi, j'aime ce qui est structurel. J'aime la structure. Puis bon, tu vois, c'est ça que j'aimais dans le baroque. Ben oui, moi, c'est ça que j'aimais le plus. Le plus tôt, c'est la première musique que j'ai aimée, le baroque. Sancho. Ben, il y a l'opéra cantonais que j'ai plus tard, mais j'avais pas accès étant plus jeune. Là, j'ai fini par adorer ça. Si on prend des compositeurs comme Jean-Philippe Rameau. Waouh! Là, on tombe, c'est du systémique, c'est des ordres systémiques, mais en musique. Mais bon, j'aime pas toutes les baroques, j'aime pas tout le temps que ça. Il y a Purcell, j'aimais bien Purcell, mais ça dépend à quoi. Mais de la musique, je suis plus capable d'en écouter bien. J'aurais jamais cru qu'un jour, je me passerais de musique.